Document C, chapitre 7e, reportage paru dans la lorgnette, hebdomadaire grand public. L'entretien publié dans la rubrique Idées, sous la thématique Économie. Le nouvel ordre européen. Il publie le goudron et les plumes, mais ne se voit que toutes les cinglinglins. Dans l'intervalle, ils sont d'accord sur tout et ne le cachent pas, l'un et l'autre affichant au fil des interviews et des bloc-notes les raisons qui font qu'ils partagent ceci et se rejoignent sur cela. Aussi, quand Victor et Roman se retrouvent au milieu des stocks de livres dans nos locaux qui abritent la rencontre, c'est tout juste s'ils ne se tombent pas dans les bras. Les deux se détaillent, échangent sur les bienfaits de la médecine ophtalmique qui leur épargne à la quarantaine d'avancer dans la vie avec des binocles. Excités de se retrouver, Vitya vit en France, Boris aux États-Unis, pour une campagne de promotion musclée autour de leur dernier ouvrage commun. L'un se concentre, l'autre revoit ses notes. Voici le compte-rendu de leur visite entre nos murs. La lorgnette. Dans votre livre, l'Europe apparaît comme une construction désirée par les États-Unis pour servir de lampe de rancement économique aux marques. Vous dites que les Américains ont sorti l'Allemagne de ses cendres pour asseoir sur elle leur politique de puissance sur notre continent. Vous êtes, Roman Zidoff, un spécialiste de ce que vous qualifiez de dette scélérate. Dans le chapitre sur la France, vous démontez la loi de 1973, décriée, tant par la gauche radicale que la droite nationaliste. Exposez votre argumentaire au lecteur. Roman Abramovitch Zidoff. Il est fortement exagéré de dire, comme le font les extrémistes dont vous venez de parler, que cette loi est la seule cause de la crise actuelle. Il s'y ajoute au moins deux autres raisons. Très souvent, ce discours sert à développer la théorie du complot juif mondial, proche de ce qu'a pu en dire le protocole des sages de Sion. Sur le plan économique, si l'argumentation semble se tenir, elle est en réalité très fallacieuse. L'idée est simple, on oppose un âge d'or qui serait avant la loi de 1973, quand l'État pouvait se financer à des taux très faibles auprès de la Banque de France. Depuis, à les entendre, ils seraient devenus prisonniers des marchés financiers et des grandes banques juives comme Rothschild, Rockefeller ou celles que je dirige. Préconise-t-il un retour à cet âge d'or? Zidoff. Oui, à peu de choses près. Ils expliquent qu'il suffirait d'en revenir au mode de financement ancien pour que les problèmes soient résolus. Pour eux, seule l'obstination de la Banque centrale européenne et des Allemands vous empêcherait d'adopter cette solution de bon sens, la France se retrouvant de facto sous protectorat allemand. Mais c'est aussi une thèse que vous avancez dans votre livre, messieurs, et qui fait partie, Victor Leonov, de votre fonds de commerce. Victor Ilyich Leonov, pas pour les mêmes raisons. Nous sommes des hommes de science, pas des propagandistes. Nous estimons que la vérité suffit et non des demi-vérités. Des demi-vérités. Leonov. Sur le plan historique, la loi de 1973 a été abrogée en 1994. On ne peut donc pas utiliser cet argument de manière recevable. D'ailleurs, bien avant cette loi, les banques commerciales assuraient déjà une bonne partie des transactions monétaires. Zidoff. D'une manière structurelle, la loi de 1973 n'a fait que confirmer la possibilité ancienne, pour le Trésor public, d'obtenir des avances auprès de la Banque de France dans le cadre d'une convention qui devait impérativement être approuvée par le Parlement. Bref, une analyse économique et historique, même superficielle, conduit à rejeter l'explication que la loi de 1973 sera la cause de tous les maux de votre pays. La crise des dettes souveraines a de toutes autres origines. Lesquelles ? Sans déflorer le propos de votre livre, pouvez-vous nous en dire plus? Zidoff. On confond endettement et crise de la dette, ce qui est pourtant différent. Le Japon, les États-Unis ou la Grande-Bretagne sont plus endettés que ne le sont les pays latins de la zone euro. Ils se trouvent, ou se trouveront les uns après les autres, dans la tourmente. La France n'y échappera pas, même si probablement elle sera le dernier domino à tomber. La France va tomber. Vous jouez sur les peurs. Leonov. Non pas sur les peurs, mais sur les constantes du système. Il s'agit en réalité d'une crise de gouvernance au sein de la zone euro. Quand bien même la loi de 1973 expliquerait la montée de la dette publique en France, ce qui n'est pas le cas, elle n'explique pas la crise des dettes souveraines dans toute l'Union européenne à laquelle les gouvernants des pays incriminés sont confrontés et que les peuples de ces mêmes États ressentent à juste titre comme des dettes scélérates. Pardonnez-moi, je ne comprends pas très bien. Pourriez-vous redire les choses plus simplement pour nos lecteurs? Leonov. Disons que la France est bien passée d'un financement de la dette publique dans le cadre du circuit du Trésor, ce qu'on appelle généralement jouer de la planche à billets, à un financement par le marché. On peut préférer, pour des raisons d'indépendance politique, vouloir une moindre dépendance à l'égard des marchés financiers. Encore, ne faut-il pas oublier que la planche à billets n'est pas sans inconvénients. Elle conduit à l'inflation et à la ruine des épargnants. Même si on demande alors aux citoyens de se serrer la ceinture, la dette d'État reste virtuelle pour eux. En revanche, l'explosion des prix des denrées alimentaires, la perte de valeur de leurs biens ou de leurs économies a plus d'impact sur le quotidien de chacun d'entre eux. Vaut-il mieux alors s'accommoder de la situation actuelle où tout l'impôt sur le revenu sert à rembourser uniquement les intérêts de la dette ? Zidoff. Non, mais la crise actuelle des dettes souveraines en France est d'abord une crise liée à l'ampleur des mouvements spéculatifs et la régulation insuffisante du système financier mondial. C'est cela qu'il faut réformer. Vous dites dans votre livre que le tournant décisif, c'est la crise des subprimes américaines et que les États-Unis ont choisi de faire payer le monde entier plutôt que d'affronter une révolution intérieure qui aurait dû être l'inévitable conséquence de cette faillite. Zidoff. Il est indéniable que l'augmentation brutale du taux d'endettement des États européens est la conséquence directe de la crise économique mondiale qui s'est déclenchée en 2007 à partir de l'éclatement de la bulle immobilière aux États-Unis. Je sais, j'y étais. Et aux premières loges, si j'ose dire. Léonov. Ici en Europe, on passe sous silence l'essentiel, le traité de Maastricht et la définition qu'il donne des missions de la Banque Centrale Européenne. La lettre des traités, le statut de la BCE sont les remparts derrière lesquels les gouvernements successifs de la Banque de Francfort et les technocrates bruxellois se sont abrités depuis l'origine pour passer au peuple de la zone euro une corde autour du cou. Elle se resserre lentement mais sûrement. Les eurocrates peuvent même se permettre de tirer dessus pour serrer un peu plus fortement et douloureusement le nœud en cas de velléité d'un peuple pour s'en libérer. Quelle solution préconisez-vous ? Léonov. D'un point de vue politique, depuis le Moyen-Âge, il n'y a pas 36 solutions. Il n'y en a que 3, en pareil cas. Ce sont vos rois de France qui les ont conçues et expérimentées. Allez-y, dites-nous tout. Léonov. On peut faire comme Philippe le Bel, tuer les banquiers. Le roi de fer avait constamment besoin d'argent pour mener ses guerres. Il ne souhaitait pas faire porter le gros de l'effort financier sur son peuple, à qui il préférait demander le prix du sang en tant que soldat de son armée. Il chercha donc d'autres sources de financement et préféra lever les taxes sur le clergé. Mais cela ne suffisait pas. Il élimina ceux à qui il devait de l'argent. Il arrêta, incarcéra, spolia et expulsa du royaume des banquiers lombards et des usuriers juifs afin de confisquer leurs biens. Ce n'étaient pas les Templiers, les banquiers du roi. Léonov, j'y viens. Mais comme ces opérations ne rapportaient pas suffisamment d'argent à la cassette royale, il s'attaqua à un plus gros morceau, les Templiers. Il fit arrêter sur son ordre tous les Templiers au matin du vendredi 13 octobre 1307, au terme d'une opération de police conduite dans le secret absolu par son fidèle garde des Sceaux, Guillaume de Nogaret, son ministre de l'Injustice. Il confisqua là encore tous leurs biens qu'il convoitait depuis longtemps. Comme il ne faut jamais laisser une tête à l'hydre pour éviter que les autres ne repoussent, il alla jusqu'à demander au pape de dissoudre l'ordre. Ce fut fait en 1312, suite à un faux procès. En 1314, le grand maître Jacques de Molay et 50 autres templiers moururent sur le bûcher. Cette technique permit à l'État d'effacer ses créances et ses créanciers. Et la deuxième, professeur Léonov. Léonov. Celle de Jean II le Bon. Rêvant de gloire militaire, ce roi du XIVe siècle a été surnommé le Bon, c'est-à-dire le Brave. Mais s'il était valeureux à la guerre, il était surtout impulsif, violent, dépensier, irréfléchi. Bref, c'était un souverain peu capable de redresser la situation du royaume et d'affronter les Anglais qui voulaient dépecer le royaume. Il les défia pourtant et se fit battre à Poitiers le 19 septembre 1356. Le roi fut emmené en Angleterre, tandis que son fils aîné, le dauphin Charles, se débattait à Paris au milieu des difficultés. À Londres, le prisonnier négocia sa libération. Le traité de Brétigny, en mai 1360, octroya aux Anglais Calais, le Poitou, la Saintonge, le Limousin et le Périgord. La rançon pour la libération du roi fut fixée à 3 millions d'écus or. Le roi Jean décida de créer une monnaie nouvelle, le franc, pour payer la dette. En outre, il fit incorporer dans chacune des pièces une quantité de bronze sans que cela ne soit perceptible sur l'aspect de la pièce. Ce tour de passe-passe fut la première dévaluation d'État face à des créanciers étrangers. C'est la deuxième solution face à ce type de dette scélérate qu'est la rançon. Telle est donc l'origine du franc dont de plus en plus de Français se disent nostalgiques. En somme, le franc est né dans un contexte qui, pour vous, est proche de celui de la crise de la dette souveraine actuelle. Et vous préconisez aux mêmes maux les mêmes remèdes. Léonov. Il reste une troisième option. Pressurer le peuple en détournant les moyens de l'État. On appelle cela de l'évasion fiscale. En échange d'une docilité, le système financier mondial garantit aux gouvernants corrompus des contreparties. Les peuples finissent par sanctionner ses représentants coupables. Les plus malins quittent le pouvoir par une porte dérobée et vont couler une fin de vie tranquille sous le soleil. Les plus vénaux terminent en victimes expiatoires ou en bouc émissaire d'un système dont ils sont les instruments. Merci Viktor Ilitch Leonov pour ces explications. Vous, Roman Abramovitch Zidov, qui êtes praticien et d'une certaine façon fondateur du système que vous dévoilez dans ce livre écrit à deux, que préconisez-vous pour éviter d'en arriver à un second 1789 ? Zidov. Disons que si vous n'avez pas la volonté ou les moyens de mettre à bas le système actuel, ou la possibilité légale, à cause de l'Europe, de jouer sur les dévaluations, il faut absolument faire baisser la pression sur le peuple pour éviter une implosion du pays. Je pense qu'il convient de relancer la croissance et d'abandonner toute politique de rigueur. Elles ne peuvent qu'accroître la gravité de la crise que vivent les ménages. Pour que cela soit compatible avec la justice sociale, la fiscalité doit être réformée en profondeur en prélevant à la source un maximum de taxes et d'impôts. Cela éviterait la fraude à la déclaration. Croire que l'on peut durablement vivre à crédit est une illusion dangereuse. On lutte contre le surendettement des particuliers en leur rappelant que l'on ne peut pas dépenser plus que ce que l'on gagne. La moindre des choses serait que les États en fassent de même. Il faut admettre que l'on ne peut pas répondre aux besoins sociaux en finançant par la création monétaire la construction d'écoles et d'hôpitaux ou la recherche scientifique. Certes, la science économique nous enseigne que la création de monnaie joue un rôle essentiel pour assurer la croissance en finançant par anticipation la création de richesses futures, mais encore faut-il que le pays produise ces richesses futures. Léonov. Le vrai drame de l'Occident, c'est que les générations actuelles vivent sur le legs des générations de l'après-guerre. Autrefois, vous produisiez. Vous aviez des usines, des mines. La production de richesses dans le pays permettait d'obtenir de la valeur ajoutée que l'État prélevait pour redistribuer plus équitablement et aider les indigents. Zidov. Aujourd'hui, vous ne produisez que du service. Excepté le tourisme, qui est une façon de capter de la richesse créée ailleurs, ce n'est que du vent. Le service par nature transfère de la richesse d'une poche à une autre, mais n'en produit pas à proprement parler. Le chômage de masse dans un pays comme le vôtre conduit à répartir de plus en plus des richesses que vous avez de moins en moins. Le système atteint donc mécaniquement ses limites. On ne tond pas un œuf. La force de la Russie, c'est que nous avons les matières premières, les cerveaux et les bras pour les transformer. Nous avons donc de l'avenir. La France aujourd'hui peut, au mieux, espérer devenir l'un des greniers à blé du monde, au pire, un parc d'attractions à ciel ouvert. Dans les deux cas, cela ne nourrira pas durablement une population de plus en plus désœuvrée. La France passe-t-elle à côté de son rôle historique, professeur Léonov ? Léonov. Pour comprendre le monde et ses enjeux, penchons-nous sur ce que Dalinevski appelle les types culturels historiques. Dans son livre « La Russie et l'Europe », il nous rappelle que s'il est difficile à un Français de penser à la mode allemande, c'est encore plus difficile pour un Slave pour des raisons ethnographiques. Pouvez-vous nous en dire plus ? Léonov. Je vous invite à lire ou à relire Dostoïevski et plus précisément l'adolescent. Versilov, l'aristocrate déraciné, est le prototype du russe universel, lui-même proche cousin du français des Lumières. Dostoïevski nous dit « Tout français peut servir non seulement sa France, mais toute l'humanité, à la condition expresse, pourtant qu'il reste intrinsèquement français. Pareil pour l'anglais ou l'allemand. Il n'y a que le russe qui a déjà acquis la capacité de devenir le plus essentiellement russe, à ce moment où il se sent essentiellement européen. Il est bien là, notre particularisme national, le plus clivant avec tous les autres peuples. De ce point de vue, il n'y a que chez nous que cela soit comme cela. Moi, je suis français en France, allemand en Allemagne. Je suis grec avec un grec ancien, et c'est pour cela que je suis le plus russe. La force de la Russie, ce n'est pas de vouloir coloniser les autres peuples pour leur imposer sa vision du monde. La force de la Russie, c'est au contraire de les vouloir comme ils sont avec leur génie propre. Ne faites-vous pas allusion aux travaux de votre compatriote, l'ethnologue Olga Valérievna Gourina ? Léonov, tout à fait. C'est elle qui a modernisé fort à propos le concept dostoïevskien d'élargissement de vue. Vous revenez, comme souvent, à la Seconde Guerre mondiale et à ses conséquences cachées. Léonov, la France s'est égarée. Elle s'est laissée endormir par le somnifère européen concocté à son attention par les grandes firmes pharmaceutiques allemandes, héritières d'IG Farben. Toute la stratégie allemande tient dans son habileté à couper la France de ses racines latines et méditerranéennes. Coupée de ses racines ? Zidov. Prisonnière du corset de fer de la Banque de Francfort, qui lui impose la déflation et donc l'appauvrissement, la France a vu son industrie démantelée par les rachats et les délocalisations voulues et organisées par les fonds de pension anglo-américains. La France est comme le chat de Schrödinger, ni vivante ni morte, tout du moins jusqu'à ce que l'on ouvre la boîte et que l'on constate que le cadavre de ce pays est en putréfaction depuis bien longtemps. Et vous y voyez la main de l'Allemagne, Zidov. Rappelez-vous l'émoi suscité par la chancelière Greta Mierscheid, il y a quelques mois, quand elle a dénoncé au congrès du Parti conservateur, qu'elle dirige, ce qu'elle appelait les pays du Club Med. Il faudrait, disait-elle, que tous les pays fassent les mêmes efforts. Dans des pays comme la Grèce, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, on profite du système. Elle a carrément été jusqu'à assurer que la monnaie commune ne pourrait qu'être une monnaie restreinte. Oui, l'Allemagne aide, mais elle n'aide que si les autres font les mêmes efforts que l'Allemagne s'impose à elle-même, a-t-elle fini par conclure. La chancelière allemande se sent forte du soutien de son peuple, qui voit en elle une courageuse petite fourmi noire à croix de fer argentée qui se pose en protectrice de l'Europe laborieuse et tient la tranchée face aux cigales du Club Med. Léonov. Les Européens du Sud ne s'y trompent plus. Le voile s'est déchiré devant leurs yeux médusés. Depuis bien longtemps, ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Von Schinkel est désormais le vrai visage de l'Europe. Les technocrates de Bruxelles, qui ont si longtemps géré en autarcie les destinées du continent, ne s'expriment plus. Ils laissent la chancelière donner de la voix sur la politique européenne. Désormais, c'est elle qui prend son bâton de pèlerin pour faire le tour des capitales dépensières du bassin méditerranéen. Droite dans ses bottes, elle affronte avec un calme, à vous glacer le sang, la presse et les foules hostiles. Partout, elle impose son style et le calendrier voulu par la Grande Allemagne. Les dirigeants du continent rechignent parfois, se cambrent souvent, se courbent toujours. Finalement, ils se plient aux volontés de la Dame de Fer. À Madrid, Athènes ou Lisbonne, la chancelière est allée au contact des manifestants qui lui lançaient des « Dehors, Hitler !» Zidov. En fait, Greta Mierscheid prend plaisir à cette revanche sur le vieux continent. En privé, elle ne se cache pas pour exprimer le plaisir qu'elle éprouve de constater que la prophétie d'un quatrième Reich, évoquée à Strasbourg en 1944 à l'hôtel de Maison Rouge, est en voie d'accomplissement. Les braillards du Sud peuvent tempêter et cracher leur venin. Rien n'empêchera l'Allemagne réunifiée de prendre en main les commandes de l'Europe. Elle ne le fait pas par appétit de pouvoir ou de puissance, mais au nom du froid rationalisme allemand. Elle est sincèrement convaincue que les potions du modèle allemand, si amères soient-elles, contribueront au redressement de ses voisins. Mierscheid se bat pour contraindre les Latins à vaincre leur penchant atavique. Elle aurait voulu substituer à la gouvernance des États dispendieux les joies d'un modèle d'inspiration germanique. Mais elle sait que l'Europe s'est toujours construite en trouvant son équilibre grâce au compromis franco-allemand. Aussi, pour continuer à avancer, Greta Mierscheid a-t-elle besoin de laisser croire aux Français qu'ils sont une grande puissance capable de traiter d'égal à égal avec l'Allemagne. Dans l'intimité, il arrive à la chancelière de livrer le fond de sa pensée. Il y a 100 ans, disait-elle, après le diktat de Versailles, les Français hurlaient « L'Allemagne paiera !» Désormais, ce sont eux qui payent. Croyez-moi, ils n'ont pas fini de payer. Léonov. Il faut préciser qu'en Europe du Nord, la chancelière n'incarne pas une stratégie d'austérité mais une Europe raisonnable. La Pax Economica Germania. Mierscheid est entré dans son troisième mandat avec la ferme ambition de prendre sa place dans l'histoire. Du grand Bismarck, elle a retenu que l'avenir de l'Allemagne, c'est l'Europe, à condition, bien évidemment, que ce soit une Europe allemande. Que sommes-nous donc en droit d'attendre de la France ? Léonov. Votre grande nation devrait permettre l'émergence d'une autre Europe, reposant sur 3 piliers géographiques, économiques et sociologiques. l'Allemagne pourrait être la tête d'une ligue hanséatique régénérée. Sage, protestante et industrieuse, cette ligue retrouverait son rôle d'antan de moteur économique et commercial d'une part, et d'autre part de lien entre le monde anglo-germanique et la Scandinavie. Culturellement proche des Américains, elle aura aussi un rôle de médiateur entre les États-Unis et les blocs latins et slaves. Zidov. Dans ce cadre, la Russie jouerait pleinement son rôle de grande sœur protectrice des nations slaves et orthodoxes de l'Europe centrale et orientale. À nouveau démographiquement forte, elle deviendrait le bouclier des Européens et le trait d'union avec l'Asie. Élément charnière du continent eurasiatique, elle serait l'élément européen du nouveau pouvoir mondial qui se dessine à l'Est. Léonov. La France, quant à elle, dans cette nouvelle configuration, devrait être la fille aînée de la Ligue latine. Belle, catholique et tournée vers la mer Méditerranée et ses rives, elle formerait un ensemble cohérent avec l'Italie, l'Espagne, le Portugal, mais aussi avec la Roumanie et la Grèce. Frontière sud du continent, les nations latines auraient en charge d'assurer des relations apaisées avec l'Afrique. Zidov. Ces trois entités, ayant chacune leur identité propre, mais aussi leur rôle particulier dans l'assemblage du monde puzzle, l'Europe en plein déclin civilisationnel, aurait là l'occasion unique d'inventer et d'incarner le cœur du monde multipolaire de demain. Sur quelles données statistiques vous appuyez-vous pour établir vos prévisions? D'après vous, l'Europe a-t-elle un avenir dans le concert des nations? Léonov. Au vu du tableau établi selon le scénario central des projections de population de l'ONU intitulé « Medium Fertility Variant », vous constaterez que l'avenir ne sera pas européen. L'Allemagne, 25e population mondiale, aura perdu près de 20 millions d'habitants en un demi-siècle. La Russie n'ira guère mieux si nous ne redressons pas la barre démographique très rapidement. Le continent africain, réservoir islamique, sera en plein boom des naissances. Les Européens se marginaliseront. Les Latins, les Germains et les Slaves ne s'entre-déchireront pas s'ils veulent continuer à exister dans leurs différences. Ils devront s'épauler et se soutenir plutôt que de s'opposer dans un jeu géopolitique dépassé. Zidov. Les Américains retardent la fin de leur monde, mais ils sont déjà depuis bien longtemps en soins palliatifs. Ils attisent les haines en Europe, ils allument des guerres dans le monde entier, mais ne peuvent rien face à la démographie et au sens de l'histoire. La France restera-t-elle dans un navire dont le capitaine Sam a perdu la boussole? That is the question. Telle est votre question, chers amis français. Mais n'est-il pas trop tard? Léonov, vous dites ici tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, n'est-ce pas? Non, il n'est pas trop tard. Les années vous sont comptées. L'histoire montre que les plats ne repassent pas deux fois. La chance de construire une Europe de l'Atlantique à l'Oural s'éloigne. Si l'Occident persiste à repousser la Russie, celle-ci regardera vers l'Orient. Il n'est pas besoin d'être un devin pour comprendre que si la Russie bascule en Asie, il ne restera plus aux Européens que leurs yeux pour pleurer. Pourquoi avoir intitulé votre livre « Le goudron et les plumes » ? Zidov. La punition du goudron et des plumes, en anglais « tearing and feathering », est un châtiment corporel qui remonte aux croisades. Héritage d'une pénitence de la justice féodale, d'abord appliquée en Europe et au sein de ses colonies, elle fut très en vogue au début des temps modernes aux États-Unis, notamment dans le Far West. Exécutée en général par une foule vengeresse, cette punition s'adressait à ceux qui voulaient détrousser le peuple. Deux cas célèbres me reviennent en mémoire. Cette punition fut appliquée à Londres, dans une zone de non-droit appelée Liberties of the Savoy. En 1696, en poursuivant un débiteur réfugié dans ce quartier, un huissier de justice fut passé au goudron et aux plumes avant d'être transporté dans une brouette jusqu'au Strand. Là, le juriste fut attaché à l'arbre de mai, emplacement de l'actuel Somerset House. Cette même punition fut aussi appliquée à Boston, dans le Massachusetts. Entre 1769 et 1774, venu vérifier que le monopole sur le thé en faveur de l'Angleterre était respecté, le loyaliste John Malcolm attira la colère d'une foule qui lui infligea le passage au goudron et aux plumes. Léonov. Ces actes associèrent la punition du goudron et des plumes aux patriotes américains, réclamant un ordre nouveau sur le plan social et économique lors de la guerre d'indépendance des États-Unis. Dans notre livre, nous appelons les peuples du monde entier à secouer leur fer et établir un monde meilleur, mettant l'humain et non l'argent au cœur de la structure. C'est un banquier qui l'écrit. Propos recueillis par Thomas Blondet.